J'ai l'immense plaisir d'être avec Jack et Bob de Road to Hellfest pour cette année encore proposer nos immanquables de l'édition du Hellfest 2025. Salut les gars, merci. Salut Nico, merci pour l'invite. Salut Nico. Ah. On parle chacun à notre tour, très bien. Bah, c'est pour éviter un peu de. Si jamais il y a des problèmes de son, on voudrait pas que tu sois emmerdé au montage, donc. C'est très gentil. Donc le principe, comme l'an dernier, de cette petite émission qui sera en quatre parties, c'est de présenter chacun un groupe qui pour nous est immanquable au Hellfest cette année. Donc un groupe par journée et par personne. On a pris comme règle de ne pas aller parler des têtes d'affiche et sous-têtes d'affiche de chaque journée et de chaque scène. Et je crois que de mémoire, personne n'a sélectionné de groupe de main stage cette année. Encore. Voilà. Donc, Étonnamment, étonnamment. étonnamment. Donc le but est vraiment de proposer des groupes un peu plus découvertes ou que les gens connaîtraient un petit peu moins. Ah, c'est ça. Donc on va pas perdre de temps et on va démarrer tout de suite avec le jeudi. Le jeudi qui donc est une demi-journée, on va dire, vu qu'elle démarre vers 15 ou 16 heures. J'ai plus l'horaire exact en tête. 16h30, Ouais, exactement. 16h30. Et je te propose, Bob, de commencer à nous parler de ce groupe du jeudi que tu nous as sélectionné. Alors, pour ma part, j'ai sélectionné Softplay, un groupe de punk rock anglais. Tout simplement parce que, gros coup de cœur de cette année. Je crois même que je l'ai mis en immanquable pour ma part. Possible, c'est possible, sûrement. Je crois. Hein. Je peux retrouver l'info aussi. Ouais. Non, j'aime bien leur énergie. J'aime bien l'énergie qu'ils dégagent. Ils sont deux sur scène, donc Isaac et Laurie. Et c'est punchy, quoi. Vraiment, c'est. Et je pense qu'ils vont retourner la Warzone à eux deux. Ça va être un joyeux bordel, je pense. Donc voilà, j'ai choisi Softplay pour ma part. Ok. Donc toi, tu les as jamais vus sur scène, c'est une découverte. Jamais j'ai vu du live Ok. et ça m'a un petit peu convaincu aussi ouais, d'aller les voir. Ok. Ça marche. Il y a des Effectivement, caractéristiques. tu l'avais mis en immanquable. Merci Jack. Il y a des particularités au niveau musique ou live ou pas vraiment? Alors oui, le batteur, étonnamment, joue debout. D'accord. Voilà. En fait, il n'a pas trop de matos. C'est assez simple, hein, c'est assez rudimentaire. Il a une grosse caisse, une caisse claire, et je crois qu'il doit avoir deux cymbales, un truc comme ça, avec peut-être un petit tom. Mais voilà. Et sinon, guitariste. Voilà. Donc un petit duo, voilà, bien, bien péchu. C'est cool. Ok. À voir. Franchement, c'est très très cool. Jack, toi, soft play, du coup, Ah. t'es dans la même dynamique que Bob ou pas? Alors moi j'avais bien aimé aussi quand on en avait parlé dans le podcast, mais j'étais pas aussi dithyrambique. J'avais trouvé ça très bien. Je trouvais que la proposition des deux membres était super cool, surtout le côté un batteur debout et un guitariste, ce qui permet au batteur de vraiment venir après sur scène entre deux, faire toi une grosse présence scénique alors qu'ils sont que deux. En plus ils alternent quand même pas mal de morceaux en allant un peu dans des styles pas que punk quoi. Ils vont vraiment bon, un peu chercher partout. T'as même une intro, enfin. Qui rappelle carrément du System of a Down. Donc ils se permettent ce genre de délire et franchement c'est très très cool. Mais autant je trouvais ça très bien, très sympa et très cool, autant c'était pas autant que ça pour moi un immanquable, mais c'était un groupe que j'avais quand même marqué oui, j'irai voir avec plaisir quoi. Je vois. Donc du coup, t'as prévu d'y aller, ouais. Potentiellement, oui. Je Ok. peux, bon, par rapport à ce qu'il y a en face, il y a des grandes chances que je sois là-bas, c'est en Warzone, donc ça peut être la grande bagarre. Ok. Et oui, pour préciser, il passe à 20h45. Oui. 20h45, 21h45, donc 1 heure 21h45. quand même. Ouais, Ouais, une une heure. heure. Après, ils sont face à Ishan, donc c'est pas non plus. Bah, Ça peut être voilà. compliqué. Justement, moi j'allais y venir. Alors déjà de base, le punk c'est pas trop ma came. J'ai écouté, j'ai bien aimé. J'avais plus en tête l'info qu'ils étaient que deux sur scène. Deux. Voilà. Donc respect à eux. parce qu'effectivement ça bouge, ça envoie et tout. Par contre, voilà, je pourrais aller voir un petit peu, mais j'avoue que face à Ishan, si je devais faire un choix, ça serait Ishan, parce que musicalement, ça correspond plus à ce que j'aime. Ouais, bah oui, c'est compréhensible. Hein. Après, faut pas que tu le vois non plus que comme du punk, de ce que tu as dû entendre. C'est pas non plus, tu vois. Non, non, c'est Pas... riche, c'est riche. Je dis pas le contraire. Hein. Vraiment, il y avait un peu de tout. Enfin, il y avait des influences autres que juste du punk. Mais c'est vrai que déjà, quand la base me happe moins, forcément, c'est un peu plus dur Non, c'est de. sûr. C'est sûr, ça joue, hein, c'est sûr. Mais après, en fait, tu vois, c'est vraiment pour moi un exemple de groupe. Ils auraient très bien pu avoir aussi leur place en main stage. Ça aurait pas été si déconnant par rapport à ce qu'ils proposent. Ouais. Donc, C'est vrai, c'est vrai. à l'avenir, c'est sûrement là qu'on les retrouvera d'ailleurs. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont en Warzone. Et oui, et ça, c'est toujours bien. Avant, comme ça au moins je les aurais vus une fois. C'est cool. Ah, oula. On n'y est pas encore, méfie-toi, toi. Non, mais j'irai pas les voir en main stage, quoi, c'est ça que je Ah voulais oui, d'accord. Oui. Non, mais un pneu sur la route. dire. Tu te souhaites du bien, quoi. Non, mais je veux Ouais. dire, ça peut Ou rien. arriver, quoi. Au cas où. Moi, je Ok. pars toujours avec un pneu en plus, moi. Toujours. Oui, alors Ouais. c'est un peu le principe de toutes les roues de secours. Oui, bah quoi? J'ai pas dit que j'étais original. J'ai pas dit ça. Bon, écoute, je te propose de nous parler à ton tour du groupe que tu as choisi pour ce jeudi. Ouais, et ben moi c'était Chatpile, ce qui est très marrant d'ailleurs parce qu'il passe juste avant mais en Valais. Donc on peut enchaîner les deux, ça c'est plutôt cool. Qui est donc un groupe américain de noise rock originaire d'Oklahoma qui ont quand même trois albums si je me trompe pas, qui s'est formé en 2019, donc c'est pas si vieux que ça. Et qui va vous proposer un petit peu un truc un peu foufou quand on écoute. En fait, tu sens bien que ce que moi j'ai trouvé intéressant, parce que c'est aussi une découverte cette année, il faisait partie des groupes qui viennent pour la première fois à la manière de Softplay, c'est que justement ils proposent un style qui peut aussi bien passer en Valais, mais qui pourrait passer ailleurs parce qu'ils sont vraiment et d'une énergique et un peu foufou. Ils vont te proposer des changements assez barrés tout en sentant quand même que les gars ont la banane, quoi. Tu arrives à le sentir qu'ils sont. Complètement vraiment barré dans ce qu'ils vont proposer. Et c'est le mélange de tout ça. Tu sens qu'ils se prennent pas la tête, mais qu'ils s'éclatent. Et le peu d'extraits que j'ai pu voir en live, ça envoie sévère. Tu as du live en plus à Roadburn que tu peux écouter, tout ça. Donc c'est vraiment une super découverte. Et si je dis pas de conneries, ils ont dû être même groupe de la semaine quand ils sont passés, quand on les avait Ouais. pris. Ouais. Et. Ils étaient avec. Ils avaient qui en face? Non, il n'y avait pas de particulier. Non, ouais, ils étaient. Ouais, ça a été un grand. Ouais, on avait tous adoré. C'était pas un immanquable sur le moment, mais ça l'est devenu par rapport à ce que je vois dans la journée. C'est vraiment une super, super découverte que moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé, quoi. C'est un top groupe. Après, Noise, le problème du Noise, je trouve que c'est que c'est pas assez représentatif parce que des fois, ils ont des trucs un peu plus lourds, des fois un peu plus énervés, des fois un peu plus. Ça mélange pas mal de choses, quoi. Mais c'est une pure réussite, Chatpile, pour moi. Et en plus, c'est un groupe qui est beaucoup en train de monter. On en entend de plus en plus parler. Et voilà, moi, j'ai méga kiffé. Et je serai devant en Valais pour Okay. prendre ma claque. J'ai réécouté un peu là, cet après-midi pour me les remettre en tête. J'ai trouvé ça, alors c'était peut-être les chansons sur lesquelles je suis tombé, mais j'ai trouvé ça un peu crado dans la façon dont c'était fait. C'est exactement ça. Je cherchais un truc tout à l'heure que je voulais dire et que j'ai pas retrouvé. Tu as totalement raison. Effectivement, c'est totalement crado. Tu sens que les mecs n'ont pas forcément les mains propres et que ça les arrête pas. Mais c'est vrai, tu as totalement raison. C'est un très très bon point. C'est vrai que c'est tout à fait ça. C'est crado. C'est crado, mais efficace. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Bah écoute, moi en fait ce côté crado m'a un peu arrêté. Parce que moi j'aime bien quand même quand c'est un peu propre, tu vois, un peu plus propre. Ouais. Mais oui, c'est vrai que ça a été. Enfin, c'est quand même bien passé dans mes écoutes. Et je crois que oui, je me l'étais noté comme étant une vraie possibilité. Ouais, en face il y a Fit for the Autopsy. Ouais. Ah bah Pas... c'est propre là pour le coup. Ouais, là c'est très Là, propre, mais c'est pas la même chose. Voilà. voilà, c'est ça. Ouais, bah écoute, Moi, je te suis dans le fait que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est vrai que des groupes de noise, en plus, il n'y en a pas forcément beaucoup chaque année. Ça peut être un bon truc à aller faire. Là où, sous Altar, ce jour-là, tu à toutes les horaires, tu peux retrouver du deathcore, metalcore. Donc, ouais, non, je chat pile à la. J'en suis aussi. Ouais, J'en puis suis j'aime, aussi. en plus j'aime bien le côté de se dire justement qu'il va y avoir un petit peu un truc en vallée qui bouge. Tu sais, de là où il va y avoir des trucs un peu plus planants ou autres entre deux. Bah, c'est Là, sûr que avant il y a Slow voilà, Moza et après il y a Monkey Free. voilà, c'est pour ça. Donc j'aime bien l'idée d'un peu des mecs. Tu sais, c'est comme s'ils arrivaient et qu'ils venaient taper dans les amplis en disant bon allez, on va un peu foutre la merde avant. Donc j'aime bien cette idée-là quoi. Donc je trouve que c'est un bon créneau à ce moment-là quoi. Ah, je comprends. Et toi, Bob, Chad Peel, donc du coup convaincu aussi? J'avais bien aimé, ouais, j'avais bien aimé, j'aime bien un peu ce style, de toute façon, un peu crado, donc ça me dérange pas, et ouais, j'y serais aussi, ouais, avec grand plaisir même. Un truc à ce qu'on y aille ensemble, ça. Mais il y a des chances. Petite bière et hop. Allez. Qu'on va se renverser dessus sans le faire exprès pour être dans le thème. Et puis. Ouais. Ah, c'est vrai que Faut être crado ou pas? Attends. Pas. ça J'ai aurait oublié. mieux marché le dimanche sans s'être douché depuis le mercredi, ça. C'est vrai. C'est vrai. Après, on peut faire un effort à ne pas se doucher avant de venir. Ouais. Ouais. On peut, on n'est pas obligé. Hein. Je te rappelle que toi, tu vas aller voir Gutalax, donc tu seras dans le thème. Immanquable. Immanquable. Hein. Oh putain, tu viens de spoiler! Nico, il a pas J'ai écouté. pas encore écouté votre dernier épisode, je savais pas que. Oh, j'ai rien spoilé, vraiment, c'est pas grave. Ah, Quand même. c'est un style. Ok. Hop. Je Ok, bah note. parfait. Bah écoutez, je passe à mon groupe du jeudi. Donc, mon groupe du jeudi, bah, il est sous Temple. Ça sera le groupe qui va ouvrir. C'est Mysterming. Pas Alors, facile à prononcer, ouais. non, vraiment, vraiment bien pourri. Et en plus, quand tu le lis sur Ouais, c'est l'appli du illisible, Hellfest, par c'est. exemple, il y a des lettres qui n'existent pas dans notre alphabet, donc ça complique encore un peu plus les choses. Ouais, c'est clair. Du coup, ce sont des Islandais qui se sont formés en 2013. Ils font du black metal. Ouais, du black metal. Je trouve que pour le coup, ils ont un côté de une production très très propre. On n'est pas sur du black mellow avec l'ajout de clavier ou autre, mais il y a une production qui est équivalent, je trouve, à du black mellow ou en tout cas à du black moderne. Voilà, ça c'est quand même, moi je trouve, un très bon point, c'est que tu entends bien les instruments, tu entends bien la voix, tout est sympa. Mais tu restes sur le classique chant, batterie, guitare, basse, et on en voit à fond. En live, de ce que j'ai pu voir, il joue avec le visage peint en noir, il y a des jeux de lumière sympas. Donc, bon, je pense que ça va bien me fonctionner. Ça, c'est un peu plus rentre-dedans encore que ce que c'est sur album, d'après ce que j'ai pu entendre et voir. Voilà, et en plus, bah, c'est un groupe qui, même s'ils ont déjà un peu plus de 10 ans de carrière, bah, il est encore pas trop trop connu chez nous, mais il influence énormément bah, pas mal de groupes émergents de la scène islandaise. Donc écoute, pourquoi pas aller découvrir ça. En plus, tu vois, ils ont déjà fait un Roadburn en 2016, et ça, si c'est pas gage de qualité aussi. C'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, c'est vraiment le groupe plus petit que je voudrais voir ce jour-là. Je sais pas si toi, Bob, tu avais. Oui, vous l'avez déjà eu ce groupe? Vous l'avez déjà tiré au sort ou pas encore ce groupe? Alors en fait, comme il est déjà venu en 2018, Ah merde, on l'a je l'avais pas tiré pas. au sort, mais on a dû en parler en 2018, je suppose, de Ouais, mémoire, ok. parce que J'ai le nom me pas dit quelque trop de chose. mémoire là pour le coup. Bah, C'est loin, moi, hein, ça me dit vaguement 2018. quelque chose, mais on a dû en parler. Ok. Ouais, j'irai réécouter. Ah, Ouais, du tu as. coup, tu t'en souviens pas. Non, je me souviens pas. Non, franchement, j'ai pas. 2018, c'est assez loin maintenant. Ouais, mais Ouais. t'aurais pu, je veux dire, retourner faire le curieux depuis. Bah non, c'est vrai que j'ai pas pris le temps, mais je prendrai le temps, Bon, c'est sûr. en face tu as 7 Hours After Violet Ah mince. et Teen Mortage, je sais plus ce que c'était comme Ben ça, on va en parler dans le prochain, donc on peut pas encore dire. Ah d'accord. Donc on peut encore faire un tour, on a le droit, c'est les règles. Ceux qui écoutent le podcast et ceux qui connaissent pas, et ben allez écouter, putain, Ok, arrêtez de bah perdre du temps. c'est du garage punk en face. D'accord. Ah, c'est... Bah du coup, moi j'ai réécouté un petit peu aujourd'hui pour me rafraîchir un petit peu la mémoire. Bah en fait, ça, c'est un peu ce que tu as décrit, mais je te rejoins sur le côté un peu classique sans que ce soit comment dire, négatif. Mais on est quand même sur du black metal voilà, de cet ordre-là. C'est pas du tout désagréable. C'est pas forcément ma came de base. Au début, j'étais un peu surpris parce que je tombais sur une intro un peu avec des envolées. Je me suis dit, oh putain, Nico, il écoute ça? Très bizarre. Et après, j'ai compris. Je fais, ah ok, d'accord, c'est ça qu'il écoute, Nico. Donc, non, moi, j'ai trouvé ça sympa et intéressant, mais c'est pas forcément ma came. Puis en plus, comme il y a 7 Hours After Violet derrière, donc je peux pas, malheureusement. Je pourrais pas, voilà. Il n'y a pas Allez. match, quoi. Il n'y a, bah, a pas match. Ah, bon, Il n'y a pas écoute. match, comme on dit. Tant pis. Tant pis. Bah écoutez, les gars, là, on a déjà fait le tour de nos trois groupes. Donc, ce que je vous propose, c'est de donner un peu nos petites mentions de la journée. Les groupes qu'on a aussi envie de voir. Là, on peut parler aussi des têtes d'affiche, mais c'est quelques groupes par-ci, par-là qui, pour nous, sont aussi. À voir sur cette journée-là. Bob, si tu veux. Ah, J'allais pardon. dire, je veux bien commencer pour être dans la suite logique. Bah, j'allais Vas-y, parler vas-y. justement de Seven After Violet. C'est de la merde. C'est de la grosse C'est merde. bien catégorique quand même, hein. Arrêtez de Il y défendre en le a, fait ils disent pas ça. de System of a Down. Et franchement, arrêtez, c'est nul. D'accord? Et je m'en fous. Je sais pas chez moi, c'est pas mon antenne. Et puis tu couperas si tu veux, je m'en tape. Mais moi je l'aurais dit. Et plus sérieusement, bah, il n'y a pas match, mais on va tous tomber d'accord là-dessus. Ça va être Slow Moza. Hein, c'est un immanquable de chez immanquable. C'est celui qui a immanquable deux fois pour ma part. Donc je pense que vous êtes tous d'accord avec moi de ce côté-là. Ah, Suite à. pardon, vas-y Bob, t'allais dire aussi oui, c'est ça? Oui, non, non, oui, c'est complètement un immanquable, ce Mozart. Donc. Et toi Nico aussi, je Moi aussi, suppose? j'y serais allé. Alors, j'étais moins emballé par le nouvel album que par le précédent, mais je les ai encore jamais vus. C'est mes goûts, après, c'est pas. Ah ouais, non, non, mais il n'y a pas Voilà. de souci. Hein. J'y Mais. étais en 2022, j'y serai en Voilà. 2025, Mais je même les avais s'il y pas vus aura en beaucoup de. 2022. Voilà. Tu en as d'autres? Moi, j'ai. Alors, oui, bah, je vais en laisser un à Bob, il va pouvoir en parler lui-même. Je vais t'en laisser un autre. On peut mettre une petite pièce quand même sur Electric Callboy, parce que bon, pour la blague, on doit y aller avec Bob. Donc, Hey, pour la blague. c'est pour la blague, on y va, hein, bien sûr, amicalement. Eh Sinon, je suis. ben, je vous le laisse. Oui, bah. Oui, mais bon, les engagements, c'est des engagements et on est des hommes d'honneur. C'est peut-être la seule chose qui nous reste. Évidemment, en fait, on n'en a pas assez parlé, je trouve, mais on n'oublie pas qu'il y a un groupe qui revient, mais qui est toujours une valeur sûre. Et je veux parler de Korn quand même, parce que c'est quand même. C'est jamais décevant, quoi. Je les ai vus l'année dernière au Cabaret Vert et franchement, c'est jamais décevant, Korn. C'est pas. Tu vois, c'est ouf, quoi. C'est trop bien. Et je mettrais juste. Alors, sans forcément aller les voir, mais pour les gens qui veulent vraiment une expérience, bah, je vous dirais d'aller voir Sun ou Sun O, pour les gens qui veulent, qui est du drone et qui est bah, musicalement un voyage. Un voyage pas forcément agréable, qui peut physiquement être même très désagréable, c'est ce que moi j'ai ressenti. Mais ça reste une expérience et que des fois, bah, aller à un festival, en l'occurrence le Hellfest, c'est des expériences. C'en est une, voilà. Bob, Gros mec. d'autres groupes à compléter, des trucs sur lesquels tu Ah rejoins, que tu. bah bien sûr, bien sûr. Il y a Monkey Tree, par exemple, qui est un excellent groupe, bah, pareil, un peu psyché, stoner, psyché, musical, qui est très très bon. Un immanquable pour moi, c'est forcément Orange Goblin. Ouais, Celui-là que je te laissais. j'allais en parler aussi. D'ailleurs, qui tombe en Ouais. face de Korn, donc pas forcément Bah c'est ça. un cadeau. Surtout pour toi, Bah là Jack. après pour moi ça va être c'est ce qui est classé c'est que c'est leur dernier live au Hellfest et la dernière fois certainement que je les verrai pour l'instant je sais pas après peut-être qu'ils reviendront un jour je l'espère. Mais voilà, donc pour moi, ça reste un immanquable aussi pour ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a Alcest aussi que j'aurais aimé voir, mais malheureusement, bah, vu que c'est deux têtes d'affiche, je le reverrai, je les verrai un autre jour. C'est pas grave, à un autre moment. Ils sont pas face à Qui face les à verra? nous. Mais pourquoi tu les verrais pas? Ils Parce sont que pas en même Alcest, ils temps. sont pas en face. C'est Turbo Ah, ça Negro. va être chaud de courir, mais on va tenter, on va tenter. Mais ça va être chaud, je pense. Alcest, ça risque Je pense que ceux qui veulent d'être vraiment très voir très plein. Alcest seront déjà placés. Et, ah bon, après, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, j'avais dit Turbo Negro aussi. Très Ah, sympa à voir. là par contre, tu vas avoir un problème entre Turbo Negro et Alcest, oui. Là, oui. Oui, là, oui, c'est sûr. Et j'avais été surpris aussi par Kim Dracula. Eh oui, c'est vrai, on s'en Ouais. souvient. J'avais Ouais. été assez surpris, agréablement surpris. J'irai pas le voir pour autant, mais pour ceux qui aiment bien le style, bah, je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Après, ce que ça donne sur scène, je ne sais pas. Mais pour faire le curieux, pourquoi pas. Pour ma part, j'y serai pas. Mais voilà. Grosso modo, c'est à peu près tout. Ok, bon, c'est Ouais, c'est déjà à pas peu mal, près hein. tout. C'est déjà Par sur contre, pour une ouais. demi-journée, ça fait. C'est déjà bien. Oui, c'est pas. Nico, j'aimerais bien quand même avoir ton avis, si on peut se permettre, sur Seven Hours After Violet. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Ouais, y a pas de souci. Non, en vrai, j'ai mis ça en. Je pourrais y aller, mais y a rien qui me fait dire non plus. Il faut que j'y sois. Tu vois, je me le suis coché. Hein, je peux y aller voir si jamais j'ai rien d'autre en face. Mais en fait, j'en ai rien à faire de voir Chavo sur scène. Tu vois, parce que bah, j'ai déjà vu System of a Down et que. Bah ouais, ok, il fait le foufou avec sa basse, je suis content pour lui, tu vois, il s'amuse. Mais en fait, pour moi, c'est pas parce que il est sur la scène que forcément il faut que je voie ça. Et tu les as vus quand, système, toi? Parce qu'on n'en a jamais parlé de ça. Moi, j'aime bien voir le retour des gens là-dessus. 2017. Où ça? Download Festival. Et Attends. t'avais bien aimé? Oui, Non, 2017, c'est ça, ouais. c'était la deuxième édition alors. Ouais, c'était la C'est ça, la deuxième deuxième édition, ouais. édition. Et t'as bien aimé? Ouais, bah en fait, nous on était totalement avec, j'y étais avec un pote, on était totalement dans le pit et c'était tellement dangereux dans le pit, ça bougeait tellement que si tu veux, on a passé un excellent moment. Après, c'est vrai qu'ils nous ont joué 25 chansons en 1 heure et demie, que les interactions, etc., il n'y en avait pas. Donc, si tu le prends en termes purs de ce qu'ils ont proposé. Bah, ils ont juste, ils auraient lancé un CD et tout le monde aurait fait les fous. Entre guillemets, ça aurait été la Ouais. même. Il y avait pas de show, pas vraiment de show en tout cas. Mais en même temps, ça a été peut-être mon concert le plus fou de tout le week-end parce que bah, les gens dans la fosse, c'était n'importe quoi. Donc, OK. en fait, tu vois, je rejoins votre. Je sais que vous les avez vus sur la même période et que vous êtes pas du tout, que vous aviez pas du tout été convaincu. Mais en même temps, Bah non. voilà. Au final, moi, j'ai passé un excellent moment de par le côté bah, folie du public. OK. Ça me va. Et donc tes petits groupes à toi de la journée? Voilà, j'allais y revenir tout de suite. Mes autres groupes de la journée, ben, j'avais noté Alceste aussi. Alceste que j'ai déjà vu, que je reverrai très certainement en salle en décembre à Toulouse. Donc bon, je me battrai pas non plus pour être super bien placé. Voilà, parce que je sais très bien que je vivrai toujours une meilleure expérience live en salle avec Alceste. Même s'il y a moyen quand Ça, même que c'est ça sûr. soit assez incroyable au Hellfest, je pense qu'ils peuvent quand même faire des choses très très bien. Orange Goblin, je te rejoins Bob parce que bah, c'est la dernière et qu'en plus moi je les ai jamais vus. Donc pour moi Ah oui. ça serait un groupe que j'aimerais voir avant qu'ils partent parce que c'est un groupe que j'apprécie vraiment depuis un moment. Bah, Slow Moza, on en a parlé déjà tous les trois, voilà, parce que bah, c'est en train de monter et c'est hyper efficace. Et le dernier que j'avais cité, mais déjà tout à l'heure, c'est Ishan, parce que bah, Ishan, c'est quand même un grand, grand monsieur de la musique et du black metal, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, ni en solo, ni avec Empereur. Donc Allez. voilà, j'y serais allé avec plaisir aussi. Voilà, D'accord. c'est à peu près tout. Après, il y a quelques trucs par-ci par-là que Korn, c'est pareil, tu vois, je les ai déjà vus, j'ai passé un excellent moment, je pourrais y retourner. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que je veux me battre pour bien les voir? Est-ce que je préfère aller faire Orange Goblin? Je pense que je préfère aller faire Orange Goblin parce que je ne les reverrai pas. Bah du coup oui, c'est Orange Goblin du coup. Forcément. Oui, c'est ça. Complètement. Voilà. Bah écoutez les gars, merci pour cette analyse de vos immanquables du jeudi. On va pouvoir se retrouver de suite dans la vidéo ou l'audio suivant si c'est écouter un podcast pour parler du vendredi, du samedi et du dimanche. Ça Merci. marche.